Samedi 9 février, le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini reçoit la visite des excavations à savoir de la Haute-Côte-Nord au complexe sportif du secteur de Dolbeau. Prix du billet seulement 8 $. Venez voir du hockey de haut calibre avec des joueurs d'ici. Soyez le 7e joueur. Go Multi, go! On va parler de baseball. On va recommencer à parler de baseball maintenant que la NFL est pas mal terminée. On en parle avec notre ami Marc Griffin. Salut Marc! Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Marc, évidemment, c'est une semaine triste dans le monde du sport. Évidemment, écoute, on est pas mal de la même âge, Marc. Des gens qu'on écoutait quand on était jeunes disparaissent tranquillement, pas vite. Là. Mais puis il y a eu deux légendes qui sont décédées cette semaine. Ben, trois, en fait, si on inclut André Boudrier. Mais moi, je veux t'en parler de deux. Tigui Aimon, que tout le monde connaissait à Montréal. Tu dois sûrement avoir ton anecdote là-dessus. Et Frank Robinson. D'abord, on va commencer avec Tigui Aimon. Ah ben écoute, t'as raison, hein. Qui ne connaissait pas Tigui Aimon pour les bonnes raisons. Parce ouais. que Tigui était toujours de bonne humeur. Écoute, il venait au stade, là, c'est un des rares là, qui honnêtement là, venait au stade constamment, même dans les années noires, les premières années des écoles. Tigui était là, puis il venait manger ses hot dogs à la galerie de presse, puis il venait saluer tout le monde, puis il donnait son opinion, puis qu'est-ce c'est vraiment toujours, toujours sympathique. En tout cas, envers moi, là, ce gars-là a été très, très, très, très généreux. Toujours le mot pour faire rire. Regarde, je n'ai que des bons souvenirs de Tigui Aimon. Mais c'est mes sincères sympathies à toute sa famille, mais il laisse vraiment, vraiment de même merveilleux souvenir, je pense, à tout le monde. Ah, écoute, tout le monde connaissait ça. On va parler de Frank Robinson. Écoute, dans le cas de Frank Robinson, c'était quand même... on l'a connu à Montréal, pas nécessairement de la bonne façon, mais je pense que ça y tentait plus. Tu me corriges, je me trompe, mais ça y tentait pas d'être directeur, d'être entraîneur-chef ou gérant des expos. Hein? Écoute, il travaillait dans le bureau du commissaire, lorsqu'on lui a demandé, tu remplacerais-tu ta cravate pour un uniforme? Il est retourné parce que, bon, c'est un peu le mandat qu'on lui avait donné. Et je pense qu'au départ, tu as raison de dire, on l'a parachuté là. Il arrivait dans un contexte perdant-perdant. Dans le sens que, lui, là, le mot qu'on lui avait dit, c'est une dernière année, finissant en beauté, rends ça là, crédible un peu, puis après ça, on ferme les livres à la fin de l'année. Le problème, c'est que... plus la saison avançait, plus lui retombait un petit peu en amour avec le sport, si tu veux, puis il a côtoyé les joueurs. Puis... fait que ses relations du début étaient assez froides, compte tenu du fait qu'il n'attendait pas à être là longtemps. Puis là, finalement, ben, tu sais, les expos jouaient pas si mal, puis ils ont fait une autre saison. Alors, mais t'as raison de dire que c'était pas un contexte favorable. Je pense qu'il faut se rappeler plus du grand joueur qu'il a été que la fin de sa carrière, évidemment, dans l'uniforme des équipes. Et le premier gérant noir aussi, ça aussi, faut pas l'oublier. Mais la belle histoire là-dedans, Dan, c'est que la journée qu'on l'a nommé joueur gérant, donc il se mettait quand même une énorme pression, il faut le dire, puis il s'est mis dans le line-up, puis il a frappé un circuit à sa première présence. il y avait le tour, lui, de surprendre. Écoute, 14 fois au match d'étoiles, carrière de plus de 20 ans dans le baseball, dans les années où il y avait évidemment les grands noms de ce sport. Puis ce gars-là, je pense qu'on réalise pas, là, les gens qui n'ont jamais vu jouer, mais si tu regardes, on réalise pas à quel point il était un joueur dominant sur les fronts. Ah, écoute, c'est ça. Hey, la question que je me pose, on parle beaucoup de Frank Robinson parce qu'il était le premier joueur noir. Je pense que je t'en ai parlé, Marc, là-dessus, là, mais je me rappelle plus ta réponse. Tu sais, on en parle beaucoup de. Il a fait ça. On en parle beaucoup du fait qu'il était noir, mais est-ce que Philippe Alou aurait une chance un jour, par le comité des vétérans, là, le comité de révision, pour tout ce qu'il représente en République dominicaine, pour les Dominicains, premiers Dominicains, puis s'il n'a pas été un mauvais joueur de balle, me semble. Qui aurait sa place. Je t'en ai déjà parlé, là. Je t'avais répondu, Dan, que je suis vendu à ça. Tout à fait. Parce que Philippe Allot a été véritablement le premier Dominicain. Ozzy Virgil a été. Tu sais, les gens disent c'est Ozzy Virgil, mais Ozzy Virgil a grandi aux États-Unis, là. Ouais. C'est pas un gars qui est parti à la République qui a joué dans le baseball majeur. Philippe, lui, il est parti à la République puis il a joué dans le baseball majeur. Puis il a souffert aussi du racisme aux États-Unis. ce gars-là est un pionnier, absolument. Écoute, puis je suis convaincu, moi, que Philippe, un jour, va se retrouver à Cooperstown pour ces raisons-là. Et compte évidemment cette extraordinaire carrière comme gérant, là. Mais il est un bon joueur de balle. Il a été, oui, un bon joueur de balle aussi. Mais je pense que le pas l'appeler un personnage, là, mais ce que Philippe a représenté pour la République dominicaine, c'est pratiquement ce que Jackie Robinson a représenté pour les Noirs américains. Fait, c'est pas rien. Ben, faudrait que quelqu'un porterait le dossier. Dans un cas comme ça, je pense que quelqu'un, faudrait qu'il porterait le dossier puis qu'il fasse du lobbying un peu. Un gars comme Pedro Martinez ou ouais. Des Vladimir Guerrero de ce monde ou des gens qui ont tous les Dominicains ont profité de la présence de Philippe dans le baseball majeur. Donc, c'est pas bien difficile de rassembler 5-6 gros noms dominicains. Ben, écoutez, là, je pense que c'est plus sérieux. Oui, ah oui, effectivement. Marc, il y a une grosse transaction hier. J'ai oublié de t'en parler en dehors des ondes. Tu as eu tes sujets, mais tu as sûrement ton opinion là-dessus. J.T. Ripaldo qui a été échangé hier. Hey, ça ne s'améliore pas pour les Marlins de la Floride. Hein. Tu sais, je veux dire, mais quel signal que tu envoies? Quel signal que tu envoies? Je comprends pas. Là. Écoute, depuis le début, puis je respecte énormément Derek Jeter comme joueur, la carrière qu'il a connue. Mais j'ai beaucoup de misère à suivre son plan d'attaque. Compte-tu, rappelle-toi de tous ces changements lorsqu'il est arrivé à la barre. Là, il a changé. Tu sais, Real Auto, c'est un gars de 28 ans. Là. Ouais. Pas un gars de 33. Là, que, c'est un gars qui a encore un gros 5 bonnes saisons faciles devant lui. Fait que, tu sais, j'ai là, écoute, mais je m'arrête pas à ça. Moi, je regarde plus que les Phillies. Les Phillies qui reçoivent, qui sont solides dans ce qu'ils font, je pense que c'est ça qu'il faut regarder parce que les Marlins, présentement, c'est pratiquement une cause perdue. Ouais, mais je pense qu'ils l'ont payé. Ça se pourrait-tu qu'ils aient payé trop cher à la concession? Ben, écoute, je sais pas quoi dire là-dessus. Est-ce que tu réalises que tu payes trop cher? Tu sais, je veux dire, une valeur de franchise, là, c'est important. Là. Quand, si t'as pas de joueur, c'est pour ça qu'éventuellement, Dan, il va falloir parler pas d'un plafond salarial, mais d'un plancher salarial. Pour éviter ce genre de situation-là. Parce que là, il développe bien, là, il développe, mais ça reste que dans une équipe qui rebâtit, qui développe, ça te prend quand même des joueurs établis à un moment donné dans cette équipe-là. Oui, effectivement. Marc, je t'écoutais ton podcast la semaine passée avec Alain Uzereau sur RDS, puis tu disais qu'il fallait changer le système peut-être du marché des joueurs autonomes. J'ai l'impression que ça va faire partie de la nouvelle convention collective qui va rentrer bientôt en vigueur en 2021-2022, quelque chose de même. Parce que là, ça fait 2 ans de fil que ça arrive. Puis tu disais que là, c'est encore pire que l'année passée. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'actuellement, Bryce Harper, Manny Machado, tout le monde attend qu'un attend que l'autre signe pour savoir qui va avoir le plus d'argent. Fait que ça risque d'arriver. Puis quand l'entraînement va s'ouvrir, puis il n'y aura aucun des deux qui vont signer encore. C'est assez spécial. Là. C'est particulier comme situation. Ouais, ben effectivement. Puis là, je pense que les directeurs gérants, les propriétaires sont plus wise dans leurs décisions. On est plus analytique, on réalise à quel point les contrats de Jacoby Ellsbury et d'Albert Pujols, puis les gars de même, ça, tu gagnes jamais à ça. Ceci étant dit, je trouve ça correct, je pense que tu peux pas garrocher ton argent par les fenêtres. Par contre, là, je regarde ça là, froidement, les propriétaires, ils gagnent des deux bouts. C'est-à-dire que le joueur arrive, là, les 3 premières années, là, le gars, il n'a aucune marge de négociation. T'sais, la première année, c'est le salaire minimum. Il peut le renouveler automatiquement pour faire 100 000 de plus, ben un autre 100 000 de plus la troisième année. T'sais, exceptionnellement, tu vas signer un gars comme Mike Trout, là, tu vas lui donner plus d'argent parce que tu veux pas qu'il soit en arbitrage seulement après les 3 premières années. Mais là, tu te contrôles total des gars pour les 3 premières années. Là, après 3 ans, il est admissible à l'arbitrage. Fait que tu donnes des contrats d'un an parce que tu veux pas vraiment qu'il... Puis là, au bout de 6 ans, il devient joueur autonome. Ouais. Et normalement, tu deviens joueur autonome à 29-30 ans. Puis là, à 30 ans, tu n'as plus de contrat à long terme. Fait que là, les gars sont poignés, là. Les joueurs sont poignés avec ça. Alors moi, je me dis, peut-être que soit tu contrôles la première année seulement, mais la deuxième année, tu vas déjà en arbitrage. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que les joueurs puissent gagner un petit peu plus tôt, parce que de toute évidence, ils ne font pas bien plus d'argent rendu à 30 ans. même si lors de leurs 6 premières saisons, ils sont très bons parce que les analytiques disent, après 30 ans, tu vas avoir une diminution de ton rendement. Mmh. Fait que je te donnerai pas, moi, si un contrat de 6, 7 ans, puis 8 ans, alors je te rends. Fait que, tu comprends? Fait qu'à un moment donné, je pense que Tony Clark, qui d'après moi ne sera même plus là, là, je pense qu'il est très contesté à la base de l'association du sport, mais ça, on verra bien. Mais c'est un dossier qui va être très, très, très important à négocier lors de la prochaine convention. Qui soit dit en passant, j'espère qu'ils sont assez intelligents pour régler ça et qu'il n'aura pas de conflit de travail pour la simple et bonne raison que là, maintenant, plus que jamais, les gens ont le choix, là. Ils ont le choix là, de s'intéresser à un paquet de choses. Si tu décides d'aller dans une grève ou dans un lockout, ça, ça pourrait faire très, très, très mal au sport. OK. Marc, on s'en parle bientôt. OK, salut, Dan. Marc Griffin, collaborateur.